et l'autre moitié attend son tour. DJ, mets du gros son, tu nous régales. Y'a des gros bonnets de l'illégal. Pose ta bouteille de Chivas Régal. DJ, mets du gros son, tu nous régales. Appelle-moi Batman. Casse de batte dans le calbar, Batman. Batman, je règle mes problèmes à coups de batte, Batman. Fais péter la cloche. Fais péter la cloche. J'aime entendre quand la grosse cloche sonne. Y'a de la biatch et de la grosse cochonne. Cette Gecko Bar, c'est extrait évidemment de ce projet Professeur Punchline. Et c'est du vécu, c'est du réel, c'est un moment de vie. C'est du V, c'est du Q, c'est du vécu. C'est du V, c'est du Q, c'est du vécu en effet, cette Gecko avec nous. On était d'ailleurs hier soir dans le Cette Gecko Bar. Hein. Ouais, on a fait un petit appel. Hein. On a pu découvrir à peu près cette cloche. Un multiplex. On a fait un multiplex. Mais on a pu découvrir à peu près le bruit de la cloche. Mais il y a tellement de monde qui hurlait qu'on a entendu. Ça a pris le dessus, ouais. Donc le mieux, c'est aller voir par vous-même si vous partez en Thaïlande. Ou bien de regarder le clip qui est disponible. Ou de regarder le clip si vous ne pouvez pas voyager, ce qui est pas mal aussi. Ça permet de voyager avec cette Gecko et le cette Gecko Bar. Tu veux présenter quelques invités qui sont arrivés déjà, cette Gecko? Ouais, il y a Alka qui est passé ce soir, donc il a invité un invité de l'album. On attend encore une autre surprise, les gens sont pas au courant, donc on va laisser venir. Un petit mot justement, quand tu vois Alka Pote, tu penses à quoi? Premier truc, je pense qu'il est pas encore venu en Thaïlande et je pense que c'est plus de 10 ans d'amitié. C'est ça, ouais, c'est que ça commence à remonter, mine de rien, cette histoire. Et ça fonctionne toujours, le duo fonctionne à merveille. Le duo fonctionne toujours. Le morceau s'appelle Ça fonctionne d'ailleurs. Il est où notre Alka? Il est arrivé, il est ressorti. Ouais, il est parti faire ce qu'il sait faire de mieux. Voilà, pisser. Non, rouler. À rouler aussi, ouais, il fait très bien aussi. Bon, voilà. Rouler en voiture. On va tester, écoute, la dernière fois qu'il est venu, on a eu le droit à 3 fois de suite, pute. Ah. Donc c'est que ça allait à peu près. Voilà, il est un petit peu en Thaïlande finalement. Donc on verra si ça augmente ou pas quand il prendra le micro tout à l'heure. Non mais les souvenirs de cette époque justement avec cette Gecko, avec Al Capote. Bah, c'est Néochrome aussi, ça me remémore Néochrome. Mais donc moi, c'est Néochrome pour expliquer, c'est un label. Hein, C'est un label indépendant qui découvre des talents qui m'ont découvert moi. Et... Il y a eu Sacré Équipe hein, aussi. On en a eu plein des gros artistes qui sont passés par Néochrome. Il y a 25G, il y a Jason Voorhees en ce moment, il y a Joe Lucas. Ça, c'est les artistes du moment, mais sinon, il y a eu une tripotée de bons rappeurs. C'est l'école du rap, c'est l'école de la rime. Donc, c'est pour ça qu'on est tous fin punchliner et grand lyriciste et accro de la rime multisyllabique parce que c'était le style de l'école Néochrome, tu vois. Et donc, toi, de cette époque, tu gardes quoi? Qu'est-ce qu'il y a, les premiers souvenirs quand c'est tu le début, à ça me rappelle mes premières branlettes. Seulement mes premiers morceaux, mes premiers studios, mes premiers pas dans le rap en fait. Mais je suis encore avec eux aujourd'hui. Je parlerai de Néochrome au passé que quand ça se terminera. Mais donc là, l'aventure continue. Ouais. Même s'il y a eu parfois des changements d'équipe, etc. Voilà exactement. Oh là. Mais l'important c'est mon Gecko, qu'est-ce qui se passe? J'ai envolé de travers. Oh merde. Tiens, il est là, regarde, il est là, l'empereur est là. L'empereur de la crasserie. Bienvenue, monsieur Al Capote dans Planète Rap. Pute. Ah bah, c'est que là, ça va très très bien, j'ai l'impression. Ouais, t'as eu des visions du futur. Tu vois, je t'avais dit. Pas Coréban. La dernière fois, il est arrivé, il m'en avait fait que 3. Donc là, j'ai eu franchement. Un max de pute pour toi, Fred Musa, ce soir. Et bah, je te renvoie autant de bonheur et autant d'amour. Al Capote est dans cette pute de Skyrock ce soir pour soutenir cette. Comment ça va, Al Capote? Toujours autant. On est en train de parler des souvenirs, justement, il y a une dizaine d'années, de votre rencontre, de cette amitié qui dure toujours. De l'amour. Toi, qu'est-ce que tu gardes de cette rencontre, de ce parcours, j'ai envie de dire en commun, même s'il y a des moments, forcément, l'un est plus loin que l'autre, et vice-versa, mais... De l'amour. Que de l'amour. Voilà, tout à l'heure, il m'a appelé, toujours. Il m'a dit, ça va mon bébé, ça mon amour. Et j'ai dit, voilà, ça résume très bien notre relation à moi, Alka. Et puis toujours présent, donc tu le disais aussi sur Professeur Punchline. Il sera présent sur tous mes projets, Alka. Sur tous les projets. Et moi, sur les siens. Prochain projet d'Alka? Une surprise, Ténébreuse Musique, l'album commun avec Cidicide qui arrive bientôt dans vos chats sans prévenir. Comme un viol. Donc, c'est pour bientôt. Ça annonce du sale. Lourd. C'est pour très bientôt. Très très prochainement. Et bah, bienvenue Al Capote avec nous ce soir aussi entre 20 et 21. Vos messages, vous les balancez avec le hashtag 7Gecko sur Skyrock. On met un petit morceau, vous voulez qu'on remette le medley, tiens? Ouais, mais moi j'aimerais bien là déjà repasser Delicatessen. C'est le morceau préféré d'Alka et c'était une bonne manière d'introduire ce morceau. C'est vrai que je t'ai même pas demandé quelles sont tes préférences sur cet album Professeur Punchline. J'aime bien Delicatessen, c'est mon favori, il est lourd de ouf, méga lourd. Et Punchline, 10 punchlines par mesure. Jamais vu. T'aimes bien le 7 Gecko Bar aussi? Ouais, j'aime bien 7 Gecko Bar, j'aime bien Valdosei, j'aime bien... C'est quand que tu viens nous voir Alka au 7 Gecko Bar? Inch'Allah, cet hiver ou bien en février, janvier, j'avais prévu de venir de toute façon. Ah oui, donc c'est imminent quoi. Ouais, mais il devait venir déjà plusieurs fois. Je vais venir cet été, mais c'est lui qui m'a dissuadé, il m'a dit qu'il pleuvait.

comme Pierrette et son pot de brie d'hélice. Ouais, c'est ça. Je rentre chez moi et je te concocte une recette. Est-ce que d'ailleurs la créativité est plus intense maintenant que tu es installé en Thaïlande ou Elle est plus intense parce que je prends plus l'avion et c'est dans l'avion que j'ai l'inspi qui vient. Ah, je pensais que tu allais me dire dans le bar à une certaine heure. Non, même pas. Non, comme je bois plus, non. Dans mon bar, je m'occupe des clients. Voilà, c'est ça. Donc, si vous voulez voir Seth Gecko à partir du mois de décembre. C'est de l'humain, c'est no rap, tu vois, à ce moment-là. C'est humain. Humain. T'as des bons souvenirs, d'ailleurs, des anecdotes particulières ou pas, de gens qui sont venus te voir? Franchement, il n'y a que du bonheur. Je pourrais te dire, il y a des mecs qui fument des chichas, il fait chaud et qui s'évanouissent. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'ils me voient ou après ils mettent ça sur le compte de la chicha. Et ouais, c'est gloussette, c'est que du bonheur. C'est la meilleure chose que j'ai fait dans ma vie, meilleure prise de décision. Ça m'a fait continuer à rapper en fait. Tu vois, je sens que ça m'a renouvelé. J'avais besoin de ce coup de pied au cul. Tu penses que tu aurais pu arrêter un moment justement Pas arrêter, mais tourner en rond. C'est vrai? Ouais. Donc c'est voilà, voyager, c'est. Ouais, ça m'a. J'ai appris à me connaître moi-même en fait. Ça y est, maintenant tu sais qui tu es. Je sais qui je suis. Ou presque. Presque, ouais. Presque, il faut toujours laisser une marge de manœuvre. Un arrière-train peut toujours en cacher un autre. Il faut toujours laisser une petite marge de manœuvre. Bon, tout à l'heure, on fera tourner la roulette. Inscription 41759 pour inscrire et faire tourner la roulette. Il y a Al Capote qui est là, un autre invité qui va nous rejoindre d'ici quelques minutes. Ouais, je l'ai vu, là, il est en bas, il arrive, il monte. Ah, il est en train de monter. Il est présent, on peut dire qu'il est présent sur l'album aussi. Hein. Il est présent sur l'album et ça vient du 91. Très bien. Attends, on laisse languir encore. Ne bougez pas. Dans un instant, l'invité, et on écoute. On a dit Titi Parisien aussi, je crois. Ouais, j'aimerais bien qu'on se le mette. Je vois, il y a beaucoup de messages de soutien sur le téléphone, le numéro qu'on a donné là, le 0. Ah oui, t'as pas décroché encore? Pas encore, on va pas tarder à le faire. Dans un instant. Et voilà, tout le bonheur que vous nous envoyez de soutien. Et là, je vois. Passe. On voit Titi Parisien. Titi. Allez, on vous envoie Titi Parisien, les loupards. Niska, comment? Présente notre invité. Bah, ça y est, tu l'as dit, t'as balancé le nom. Dans un instant, arrivé de Niska dans le studio de Planète Rap avec Seth Gecko. C'est dans les bacs le 6 novembre, c'est vendredi, c'est dans 2 jours. Oh. Seth Gecko. Ça c'est du rap de Titi Parisien. Je ferais disparaître la misère si j'étais magicien. Je vais te raconter le conte du plasticien. C'est de voir sa femme partir avec le prof de gym alors qu'il vient de lui refaire les seins. Je regrette encore l'époque de Gilles X, Men Mouden qui la bise et son essaim. On y stigmatise car on n'est pas des saints. Monsieur l'agent, on sait qu'il attise la pastille 51. Tu prends une bastos pour un terrain. Les flics pour eux t'es rien. Si tu liquides un homme, vise bien. Car un homme blessé en vaut plein. Faut que j'arrête la bière, je bedonne comme le bibin d'homme Michelin. C'est le déclin, on me fait des clins d'œil franc-maçonnique. J'entends encore le DAS qui tue et l'institut pharmaceutique. Nique leur logo ésotérique. Si je pouvais, je donnerais à tous les clodos une couverture thermique. Outré par le nombre de vieilles mandériques. Alors que Horst Tepper était un putain d'SS. La France fait peur, hommage à Clément Méric. Chaque chasseur de skin mérite un putain d'espèce. J'rappe sans vergogne, dressé comme un volcan d'Auvergne. Contre les ivrognes qui nous gouvernent. J'aime les hommes qui ont de la poigne, les poignées de main ferme. On devrait ligoter les balances sur les voies des chemins de fer. Une amitié sincère c'est beau comme une prison qui brûle. Mais des boules caisses en enfer, y'a des gens qui hurlent. J'rappe la hurle, personne joue du mambo. T'es en danger de mort comme les adeptes de Joji Mambro dans le Vercors. Ça c'est du rap de Titi Parisien. Avec un schlass dans la poche comme un Tunisien. La vie c'est dangereux, on en meurt tous à la fin. Cousin, rapper vite, ça veut pas dire rapper bien. Parisien, tête de chien. Ouais mais Paris go, bête de flow. PSG sur le maillot comme Paris 7 Keiko. Yeah. Ça c'est du rap de Titi Parisien. Qui sort tout droit d'un bouquin de Franck Margerin. Du rap de martien comme Grishka et son frère Igor. Un son par Igor, pas du Périgord. Qui s'exprime à l'aide d'argot et d'oxymore. Qui fut un temps vendé de la drogue sous le corridor. Ça c'est du rap de Titi Parisien. J'aurais refusé qu'on me dise pédale même si je m'appelais Poulidor. Méfie-toi de l'eau qui dort. Si je marche à tête baissée c'est que ma chaîne pèse au moins de l'eau qui dort. Toujours fidèle à ma jonkaille. T'as pas de lové ma caille. Va chiner son acaille. Aïe. En mégant sur la Winchester chromée pour pas les se faire gauler. On a baigné dans le crime en nageant d'eau crôlée. à Leicester, que Dieu me préserve des rites mystiques d'Aleister Crowley. Je mets de l'argent de côté, c'est de la congélation de pognon. Dans tes amis, y'a ton pire ennemi déguisé. Je reste droit comme la constellation d'Orion, aligné avec les pyramides de Gizeh. Ça sent le kiss day, c'est chaud pour ton matricule. Fil, je circule entre les parties fines et les particules fines. Et je lève mon verre de tease à la menthe pour les darons partis de l'usine confuse et la mise à l'amiante. Ça c'est du rap de Titi parisien, avec un schlass dans la poche comme un Tunisien. La vie c'est dangereux, on en meurt tous à la fin. Cousin, rapper vite, ça veut pas dire rapper bien. Parisien, tête de chien. Ouais mais Paris go, bête de feu. PSG sur le maillot, comme Paris 7 Gecko. Ce morceau qui s'appelle Titi Parisien à l'instant. Voilà, pour le Paris 7 Gecko, Paris G. Paris, bon, ça n'a pas porté chance. Ouais, on a essuyé une défaite. Ouais, bon, ils ont bien joué quand même. Ils ont mené le match. Ils ont bien joué. Tout le match. Ça veut dire que ça laisse encore de grands espoirs pour la suite. Voilà, donc nos arrivées, nos ça invités sont arrivés. Al Capote est là, on l'a présenté il y a quelques minutes. Et Niska. Et Niska qui vient d'arriver. Comment ça va, Niska? Ça va, et toi, Fred? Eh ben, écoute, en pleine forme. Ouais. Content de vous voir. Une autre génération aussi qui arrive, Niska. Hein, ouais. Quelqu'un ouais, qui ouais. est présent aussi sur ton projet. C'est ouais, important ouais. pour moi de passer le relais sur cet album. J'ai jamais fait auparavant. Mmh. Jamais trop mélangé temps, avec les jeunes. Mais en même temps, tu l'avais expliqué un petit peu. T'avais peut-être pas forcément les affinités. Les affinités, je trouvais pas forcément ce que j'aimais dans le rap, dans la relève qui se prétendait tous être la relève. Et eux, vraiment, c'est la relève. Là, donc, alors par exemple, Niska, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis là-dessus? Ce mec-là, il me fait danser, gras. On peut me snapper dans mon bar, me filmer. C'est le seul dont j'ai pas honte de me secouer en l'air sur ces morceaux. Flatteur, hein, ça fait plaisir. Tu étais au 7 Gecko Bar ou pas encore? Non, bientôt. Niska. M'a invité, je vais aller là-bas bientôt. On va s'amuser comme ça. On va lui faire péter la cloche. Voilà, exactement. Avec Marlo. Avec Marlo. Marlo, il est déjà venu, Marlo. Et Al Capote aussi, il ira au mois de février, a priori. Niska, un petit mot, toi, sur 7 Gecko. Quels sont les souvenirs que t'as de 7 Gecko, même d'Al Capote? C'est des gens que t'écoutais. Toi, tu viens du 9 ans aussi. Comme j'ai dit dans plusieurs interviews, hein, t'as vu, c'est un mec que j'apprécie, que j'ai écouté, que j'ai saigné même. Tu vois, j'ai saigné leur track étant plus jeune. Et 7 Gecko, comme je lui ai dit personnellement, tu vois, son retour, ça me fait énormément plaisir parce que pour moi, il se passe super bien. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et tout ce que je lui souhaite, c'est de tout arracher. Mmh. Parce qu'il le mérite, frère. C'est pas tout le monde qui arrive à revenir comme ça. On les a vus, hein, les mecs de Sagé essayer de revenir. Et voilà, c'était de la merde. Clairement, tu vois. Et là, ouais, moi, j'aime bien. Donc, je lui souhaite le meilleur. Merci. Et puis il y a tout un travail aussi qui est fait et qui doit te toucher aussi, parce que tu fais aussi partie de cette génération sur l'image, surtout. Moi, comme je lui ai dit, je le répète encore, pour moi, les meilleurs clips du rap français qui sont sortis ces derniers temps, c'est les clips de 7. Hein. Mmh. Ah, merci. Et le prochain qui arrive, c'est moi et Niska. C'est les seuls qui m'ont marqué vraiment. J'ai dit, ouais, tu vois. Ah, tu dis merde. Ouais. Et la pochette? Pas merde. Mais non, et la pochette alors? Quand tu l'es pris pareil en pleine gueule, cette pochette ou pas? La pochette, elle est carrément. C'est la meilleure de cette année. Ah, c'est ouais, c'est la réalité, frère. Je rappelle d'ailleurs qu'il est possible de prendre ta main en pleine gueule. Hein. Voilà, il y a une application qu'on a mise sur mon Facebook ou sur mon Twitter. Tu peux reproduire ma pochette avec ma main dans ta gueule sans que je te touche, en fait. Voilà, c'est ce qui est quand même mieux. C'est mieux. C'est quand même plus sympa. Hein. Soit moi, j'ai plein de sébum qui vient du nez des mecs à qui je fais la photo, ou soit moi, je me suis. Voilà. Tu vas gratter, peut-être. Forcément. Surtout voilà. Si c'est le matin. Quand si c'est le soir, tu te couches avec le cul qui gratte, le matin tu te réveilles. Tu connais le proverbe, tu connais tes classiques, c'est bien. Voilà. En tout cas, ouais, donc l'appli dispo sur ton Facebook, on peut la trouver. Ouais, un concert au Trabendo le 20 novembre. Après, je retourne en Thaïlande. Et puis, comme il disait, Niska, il parlait des clips. Et ben justement, le prochain clip qu'on envoie, c'est un clip de moi et lui, de notre morceau. Un morceau qui s'appelle Homme des Neiges. Et qu'on va peut-être écouter d'ailleurs dans un instant. C'est tout ce que je souhaite. Si ça vous va, messieurs. En exclusivité sur Sky, le morceau 7 Gecko Niska. Ça, c'est pas un beau cadeau de ça, Noël. C'est un magnifique toi. Cadeau. Les abominables Hommes des Neiges sont là pour toi, ma gueule. Hommes des Neiges avec Niska à découvrir. Vos messages aussi, vous les balancez avec le hashtag 7 Gecko sur Skyrock. La roulette qui va tourner, inscription 41759. Bougez pas, on revient juste après.

Le prochain qui arrive, c'est Homme des Neiges. Voilà. Très bien, bah on guettera ça. Niska, sinon, qu'est-ce qui se passe pour toi? Beaucoup de tournées en ce moment? Ouais, en ce moment, je suis en tournée. Et pour tous ceux qui écoutent, retrouvez-moi demain à La Cigale. Voilà, c'est ça, demain, il y a La Cigale. Ouais, demain, je suis à La Cigale. Ensuite de ça, on défend le projet Charo Life à fond. Mmh. Toujours dans les bacs, hein, toujours disponible, tu connais. Et puis, on va attaquer le reste après. Et puis, la suite arrive. Bon, en tout cas, la tournée, ne loupez pas sur scène demain du côté de La Cigale pour aller voir Niska. Ce sera un gros concert, à mon avis, ça risque d'être chaud. Ouais, j'espère. Ça va danser. Dans un instant, il y aura aussi un. On va soulever la foule avec ces sons de malade. Un freestyle show aussi avec Niska, avec Al Capote qui est là. Et par téléphone, tiens, je vous présente Bugs Bunny. Par téléphone, salut Bugs Bunny. Ouais, salut. Ça va? Ça va, et vous? J'habite Aurillac. Et c'est ça. Et y a, ce soir, t'as vu le lourd plateau qu'il y a ici? Très lourd. Gecko, Niska, Al Capote. Big up à tout le monde, très très lourd. Merci, ma carotte. Bien vu. Bugs Bunny prêt à rapper, c'est parti? Prêt, ouais. Allez, go. C'est parti. Session freestyle par téléphone, on y va. Oh. Bugs Bunny. 1-5. Fin des années 90, maman. Oh. Check-moi. Ça fait. Fin des années 90, maman accouche de son premier fœtus, effectue l'agonie dans la clinique, renier vêtus. Et tu sais que c'était pas banal, face à ma face d'enfant malade, pas mal d'almagames se pavane. Et quand la madame fabule, et passant le fameux petit fabule, sous des failles de formulaire, détaillant les défaillances, effrayé d'un corps muet, c'est cacheton, biberon, hein, c'était cacheton. Biberon, avachi sur son biberon, leurs machines sont bidons, je veux vivre magiquement sans guidon, mais c'est trop tard, je suis déjà malade, tu joues au cauchemar, tu sais que la vie t'écorchera, t'approchera de la mer dans maternelle avec ma mère. Deux semaines plus tard j'ai fait des potes, école primaire, on s'appelle frère et c'est vraiment la bonne époque. Déconner, on savait le faire, on se tapait dessus à la récré, dans nos vêtures de la bépière, ouais nos blessures sentent la pitié, la haine et la détresse, on s'empêche sûr d'être appliqué, on fait des fancs à la maîtresse, dehors c'est foot, folles histoires qu'on s'est juré de pas reproduire. Puis au collège, les produits illicites et les miscines miteux, papa passe la semaine sur des routes. Maman se casse le dos en 1002, dossier scolaire à la déroute. Sous mes yeux c'est cerné mi bleu, y'a qu'à la dague à des nuits bleues. Génération alcool et drogue, et si c'était nécessaire nique le. Mais ça je l'ai compris trop tard, je suis en troisième, j'ai des lacunes et rien qu'on s'en fume trop tard. Dans mes potes je suis pas malade, derrière on essuie trop de larmes se balade. Sur les tarots pas clini, il s'agissait d'avoir la perle rare d'un Sergio Tacchini. Taquiner trop de filles s'amuser, dans la coco mon ex est une gogo qui s'use pour s'amuser. L'amour ça tient pas la route, j'ai dérapé avant de m'accrocher. Grosse chienne, au RAP je vais mettre des crochets. 1-5. Bugs Bunny à l'instant en freestyle, merci à toi. Merci à vous. On peut te retrouver quelque part sur le net, vas-y, c'est le moment où j'aime. Ouais, sur Facebook, Bugs Bunny, BUGZBU2NY, et sur YouTube, Bugsy Officiel. Eh bah très bien, allez vous connecter. Tiens, il y a Sam du 9-1 qui envoie un message en disant Bugs Bunny, si t'es du 9-1 ou du 7-7, je suis pour faire un feat avec toi. Bon, t'es un peu plus loin que le 9-1 et le 7-7. Hein. Ouais, je suis un peu plus loin, moi, ouais, je suis un peu plus perdu, tu connais. Mais connectez-vous en tout cas, vas-y, refile l'adresse Bugs Bunny pour te joindre. Alors c'est Bugsy Officiel, BUGZYO2FICIEL sur YouTube et Bugs Bunny sur Facebook. Et n'oublie pas la sortie du Professeur Punchline, c'est vendredi, ça arrive le 6 novembre. Il est parti déjà ? Il est parti l'acheter déjà ? Il est parti dans son terrier. Non, je suis là, je suis toujours là. Non, je te disais, n'oublie pas la sortie de 7 Gecko vendredi. Pas de soucis, on sera là. Professeur Punchline, merci à toi. Merci à toi, Macouillas. Tu ne voudrais pas décrocher un peu cette ? Ça n'arrête pas d'appeler depuis tout à l'heure. Je toute rappelle la nuit, le numéro. J'ai plus le téléphone, c'est Niska, tu connais ce numéro, hein, tu l'as déjà eu aussi dans le Planète Rap. Ouais. 06 71 74 84 15. 06 71 74 84 15. Exprime-toi, mon loubar. Ouais, Maxo, ça à l'appareil. Ça va? Tout le monde l'entend? Ouais, tout le monde entend. Ça c'est... va nickel. Comment il va le gecko? Bah, ça roulotte, ma bonne couille. Si, ça fait plaisir. Putain, j'en ai chié, hein. J'en ai chié des ronds de chapeau. T'en as chié des ronds de chapeau. J'ai galéré, mais j'y suis, ça y est. Ça y est, tu y es. Tu y es, mon pote. Alors, qu'est-ce qu'il veut te dire? Je sais pas. Tu veux aller manger un grec après le Skyrock ou c'est quoi, mon pote? Qu'est-ce que tu veux? Je suis pas dans la région, ça fait chier, je suis pas sur Paris, mais la pensée est là. Et puis bah un gros big up à l'équipe, un gros big up à Al Capote. Voilà, et à Niska qui est là aussi ce soir. À Niska aussi, à tout le monde. Voilà. J'ai eu mon petit email comme quoi les box sont partis, ça y est. Ah lourd mon gars. Ah, les box sont partis. Et tu mettras le t-shirt et tu mettras sur Insta et on relaiera la photo. Exactement. Mon petit père. Je vais vous faire des big photos, des photos de Dubar. C'est bien, t'as tout compris au système du Gecko. Il a commandé la box des gens. C'est le meilleur.

Aïe. Je pense que DJ Widim est au platine aussi. Ouais, ouais. Il est là, il le confirme. On peut y aller, messieurs, que c'est quand vous voulez. Oh. Bye bye. Cet Gex. Oui. Niska. Al Capote. Ça va, ça va. Oh. Yeah. On the shit, bitch. Yeah. On the shit, bitch. On the shit, bitch. Okay. On the shit, bitch. Look at my neck, damn. Look at my wrist, damn. Look at my bitch, damn. Look at my feet, damn. Buenos dias, on m'appelle le démon de pneu, pas besoin d'aller au Midas. J'ai le flow du glaive à Léonidas, MC Keuf, Poucaf, tout le monde y passe. Je fais ce que je veux, j'ai permis de chasse, protéger les oreilles chastes. Si les femmes ont des jambes, c'est pour pas laisser des traces comme les limaces. Cache les noix, je vois la l'URSSAF, l'enfer remonte à la surface. Chaque matin, j'ai la tête dans le cul, heureusement que j'ai pas la chiasse. Tu connais le dicton, ma couillasse, une de perdue, 10 de retrouvée. On va te la mettre si profond que même Christophe Colomb ne pourra pas la retrouver. Non, non, ce n'est pas la quenelle à Diodo. C'est la tête du chibro comme la trompe à Dumbo. T'as mal au chico, soit t'as par la weed gros. T'as pas de Z, là jette-toi par la window. Oui. MC crache pas sur la Twingo. Tu ne rouleras pas en féfé. Ma bite est un chèque que ta schneck ne pourra pas encaisser. Non. Les vrais hommes aiment les formes. Y'a que les chiens qui aiment les os. Spatial est le vaisseau. Spacieux est le réseau. Demande pardon au petit clasheur où je te sodomise par les réseaux. Ouais. Si t'es une femme fontaine, jette pas l'éponge. J'appelle les dégâts des eaux. Oh, oui. Yeah. Oh, shit, bitch. On the shit, bitch. Look at my neck, damn. Look at my wrist, damn. Look at my bitch, damn. Look at my feet, damn. On the shit, bitch. Yeah. On the shit, bitch. On the shit, bitch. On the shit, bitch. Look at my neck, damn. Look at my wrist, damn. Look at my bitch, damn. Look at my feet, damn. À longueur de journée, on parle que de foufoune. Ce bagarre en hiver fait craquer nos doudounes. Je suis dans la voiture des keufs, je passe à la tête, mes poches leur fais des coucous. Je suis dans le Jura quand je suis à Paris, y'a trop de CC sur Champs-Élysées. La barre était tellement grosse, ne cale pas trop fort, tu vas te sodomiser. Oh oui, on contrôle la zone depuis tout petit. C'est Rucci, Gucci. Je mets des KO comme si j'étais gaucher. Ratatata sur la brigade des stupes. C'est des fils de pute, y'a pas d'intérim, ni qu'à déco. Au chantier du coq, ici ça recrute. J'ai posé mon front, ils ont posé les armes. J'enfile le bonnet, enfile le bonnet d'âne. Je fais du shopping chez le trafiquant d'armes. Oh les bâtards, ils ont pendu sa dame. Oui, Zifu Koro de la B, ma gueule. Niska, ma couillasse. Ouais. La toile capote. Jia. Saleté. Jia. Ouais, ouais, ouais. Professeur Punchline vendredi, pute. Quoi de neuf, Gizmo? Quoi de neuf, Nidal? Bisous à Bussmo. Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! On t'encule ta mère avec un bout de fer. J'suis au septième ciel, tes six pieds sous terre. Voilà. Mon glaive est tranchant, il plante tes couplets. Voilà. Comme Barracuda, oui. Tu peux rien nous faire. J'fais toujours du joli travail et j'me taille à Okinawa. Rejoindre cette écho, Cody McFly, admirer des coquines à poil. J'suis avec des Kaira Soukam et des Barracuda. Les rares me soulagent avec le Kama Sutra. Avale tout le gras. Ce soir on fera la Nouba. Venez rejoindre Alka sous le drap. Vous mets une grosse rasba. Je veux pas finir comme Lohana. J'ai un putain de flow de rap. Ça se foutu comme Youssouf Fofana. Tu crois que je radote? Salope, galope. J'adopte une technique de guerre digne de celle de Adolphe. Tu crois que je radote? Salope, galope. J'adopte une technique de guerre digne de celle de Adolphe. Look at my feet, bendo. Ah. à l'instant en live avec Seth Gecko, avec Al Capote, avec Niska. Bonne partie de plaisir. Ah, bah, comme le dit Greg de Provins qui nous envoie un message, Seth Gecko sur Skyrock, que du très très lourd à faire tomber mes boules. Voilà, je pense que. Il perd la boule quoi en fait. Voilà, c'est pour bien résumer cette soirée à l'instant en live. Elles sont pas bien accrochées. C'est possible, mais il va remédier à tout ça en tout cas, je l'espère. Un petit dernier tour de table, merci Al Capote d'être passé. Qu'est-ce qu'on attend donc? Un nouveau projet là prochainement? Un nouveau projet pour les horribles putains qui arrivent bientôt. Lourd, une dégustation. Une dégustation. Qui se mange sans faim. Ce sera quoi, sans soif. Plutôt 2016 ou avant 2015. Ah oui, ça, donc 2015. C'est imminent. Il reste quelques jours. Quelques jours avant quelques la sortie. Quelques mois. Donc tu vas le balancer mois. Comme ça d'un seul coup. Sans prévenir. Sans prévenir. Sans promo. Sans promo, rien, bam. C'est quoi, un album ou juste quelques titres? Un album. Qui a été fait dans le plus grand des secrets. Exactement. Et qui arrive là dans les jours qui viennent. Exactement, mais en attendant c'est Professeur Punchline le 6 novembre. Tu peux me retrouver là-dedans. C'est comme ça qu'on fonctionne. Exactement. Et puis d'autres connexions je suppose par la suite. Parce que c'est une longue amitié qui continue. Ah ouais, De l'amour. C'est pas le premier morceau, c'est ni le dernier. Il y en aura plein d'autres. Voilà. Bon, toujours pas en retraite Al Capote, tu vas pas partir en retraite tout de suite. Bientôt. C'est pas le dernier projet. Encore un peu d'amour avant. Voilà, encore un petit peu d'amour avant. Niska, non, la retraite, c'est pas tout de suite pour Niska. Il a 10-15 ans devant lui. Hein, voilà, ouais, tranquille. Hein. Ça vient à peine de commencer. Facile. Ouais. Avec donc une tournée et puis demain, à pas louper. Ouais, oubliez pas demain, la cigale, rendez-vous à la cigale pour tous les charros et les charonnes. Gros concert de Niska à pas louper. On fout le feu comme jamais. Et toutes les autres dates, c'est sur Niska officiel, on va continuer à suivre aussi. Exactement. On remet un petit coup de Seth Gecko Bar avant de se quitter. Allons-y. Qu'est-ce que tu en penses? Eh ben voilà, et puis pour voir Niska et Seth Gecko, c'était. C'est en janvier que ça se passe à Phuket avec Marlo, avec l'équipe. Ah ça y est, donc janvier, c'est parti. Ça se concrétise. Tu vas découvrir les plages. Exactement. Profiter de l'air pur. Voilà, les bons repas. Et un peuple accueillant. Voilà. Sors pas trop le soir quand même. Hein. C'est chaud. Tranquille. Et puis si tu veux aller faire un tour dans le Seth Gecko Bar, voici le menu, ce qui t'attend, écoute. Voilà, régale-toi ma couillasse. Bar, 29 rue Bengla. Si t'es un loup bar, benga. J'aime trop les femmes, j'aime trop la sap. Tu veux du taf, passe-moi ton number de tôle à sap. Pour faire du twerk, pas besoin de work permit. 34 degrés en hiver, choc thermique. Viens en couple, en grosse équipe. Le son est thug, mais c'est pas bordélique. Nouveau bar avec ventilo et la clim. J'suis tranquillo avec la crime. Jason Voorhees au platine. Et si les filles travaillent, on dit surtout pas qu'elles tapinent. Fais péter la cloche. Fais péter la cloche. J'aime entendre quand la grosse cloche sonne. Y'a de la piatch et de la grosse cochonne. DJ, mets du gros son, tu nous régales. Y'a des gros bonnets, de l'illégal. Pose ta bouteille de Chivas Régal. DJ, mets du gros son, tu nous régales. Appelle-moi Batman. Pièce de batte dans le calbar, Batman. Batman, je règle mes problèmes à coups de batte, Batman. Fais péter la cloche. Fais péter la cloche. J'aime entendre quand la grosse cloche sonne. Y'a de la biatch et de la grosse cochonne. L'ouverture c'est 20h. La fermeture c'est 4h. Y'a de la fumée et de la vapeur. Et de la verdure coupée au sécateur. 1000 battes la tournée de shooter. Y'a de la pupute, les dalles jouent les zookers. Tout le monde rentre ici, y'a pas de code couleur. Qui mixera demain, Snake ou Cut Killer. Y'a pas de feeder, le portier c'est Bobo. Qui n'y a opé le bar fine à la go-go. I'm in love with my noix coco. À 12 000 km de Saint-Ouen Lolo. T'achètes doudoune, j'achète short de bain. Si tu pars en coucou et boum, pomme de pain. C'est les avec l'homo Bob Chégué. Sois pas homophobe quand tu chites un peu pédé. DJ, mets du gros son, tu nous régales. Y'a des gros bonnets, de l'illégal. Pose ta bouteille de Chivas Régal. DJ, mets du gros son, tu nous régales. Appelle-moi Batman. Pièce de batte dans le calbar, Batman. Batman, je règle mes problèmes à coups de batte, Batman. Fais péter la cloche. Fais péter la cloche. J'aime entendre quand la grosse cloche sonne. Y'a de la piatch et de la grosse cochonne. Seth Gecko Bar, en dessous du gossip. Soir on piaffe comme des alcooliques. T'es même pas bonne avec ton gros slip. Une fois que je suis mao, ciao, I go sleep. Deux bouteilles, on place au VIP sucrète. T'es venu en Thaïlande grâce à Bouska Phuket. J'rappe pour les cailles dans la salle. Tatoué comme taille de la sign, comme Latinos. Les yeux rouges comme un albinos. J'ai soif amigos, paye ta salitos. J'mettais Versace avant les Migos. C'est la haute saison. Avant de demander une photo, apprends à dire bonjour. La moitié de mon chick-son est en prison. et l'autre moitié attend son tour. DJ, mets du gros son, tu nous régales. Y'a des gros bonnets, de l'illégal. Pose ta bouteille de Chivas, régale. DJ, mets du gros son, tu nous régales. Appelle-moi Batman, pièce de bat dans le calbar, Batman. Batman, je règle mes problèmes à coups de bat, Batman. Fais péter la cloche, fais péter la cloche. J'aime entendre quand la grosse cloche sonne. Y'a de la biatch et de la grosse cochonne. Le 7 Gecko Bar, on s'en lasse pas hein, de ce morceau. Hein. Ouais, je l'adore moi aussi. Les images sont dispo, on peut aller mater le clip aussi. Ouais. Et vous découvrirez donc peut-être le 7 Gecko Bar en vrai. Voilà. Si vous achetez l'album et que vous repartez. Avec le ticket d'or. Avec le ticket d'or, vous repartez avec un séjour. Sinon, il y a l'album. Il y a l'album tout simplement qui fait voyager aussi. Et l'album qui est déjà très bien aussi, Professeur Punchline, pour voyager, pour se retrouver entre la France, la Thaïlande. Un coup au 7 Gecko Bar, un coup dans le quartier. Un coup au Tchekar, voilà. Un coup dans le Val d'Oseille. Voilà. Aussi. Val d'Oseille. Ne loupez pas la sortie, c'est vendredi. Avant de se quitter, on fait tourner rapidement la roulette. C'est parti. Voilà. Skyrock t'offre la révélation de l'année. Nekfeu. Quoi de neuf, c'est ce bon vieux feu. En concert près de chez toi. Et la roulette tourne avec Morgane du côté d'Arras. Salut Morgane. Oui, bonjour. Bonjour Morgane, comment ça va? Ça va, merci. Et vous? Eh ben, ça va. Seth Gecko. Eh ben, je te présente Seth Gecko, il est là en pleine forme. Ouais, ben, j'écoute le Planète Rap, là je découvre un petit peu l'album. Ça va, ça te fait plaisir pour l'instant Morgane, t'es pas trop choquée, tout va bien? J'avoue que c'est du rap un peu dur pour moi, ah. Mais bon, c'est bien. C'est meilleur quand c'est dur, je te jure que c'est vrai. Quand c'est dur, c'est bien. Quand c'est mou, c'est. Ah, je suis pas sûr que c'est ce que les femmes veulent. Tu vois Morgane, tu vas t'y faire, écoute-nous demain encore et après-demain et tu vas voir. Ouais, j'écoute. Tu nous diras, tu nous rappelles le vendredi hein, Morgane. Promis. Ouais. Si, écoute, si je peux avoir le ticket d'or dans l'album. Ah, tu l'as. Voilà, on y vient, j'étais sûr Morgane. Ah ouais, c'est pas un ticket resto ça. Direction la Thaïlande peut-être pour toi Morgane. Et en attendant, direction le concert de Nekfeu, tu me dis stop dès que tu veux, c'est parti. La roulette tourne, ou elle roule. Elle va s'arrêter sur la case Morgane, c'est... Morgane, c'est Nekfeu, ça y est, t'as déjà tes deux places pour la tournée du Feu Tour. Du côté de Lille, hein, pour toi, c'est le plus simple, Morgane. Ouais, c'est sur Lille. Et ben voilà, super, deux places pour le Zénith de Lille. Je te fais un bisou, Morgane. Ouais, moi aussi, je vous embrasse. Et donc, allez, rendez-vous salut, vendredi dans les bacs à Arras et dans toute la France. Voilà, partout. Je suis tous les bons disquaires. Bisous, Morgane. Ah, ouais, bah, merci. On va continuer. On continuera d'ailleurs demain, si ça te va. On continue deux jours encore. Demain, on sera là un petit peu avant 20h, comme d'hab. Et on découvrira cet album. Avec des inédits, du live, des invités surprises. Un album qui vous étouffe, tellement il est rempli de punchlines. Voilà. Donc, l'album de Seth Gecko. Faut s'attendre à tout. Dans l'album, il y a Al Capote, il y a Missa, il y a Niska, il y a Gradure, il y a Joke, il y a Sadek, il y a Lacrim. Et demain, il y a un de ses invités. C'est la fin de soirée. Il y a un de ses invités qui sera là. Et bah, loupez pas demain entre 20 et 21. Seth Gecko aussi en concert le 20 novembre, puisqu'on parlait de Niska, mais toi aussi, tu seras la cigale. Trabendo Nabendo. Voilà. C'est le 20 novembre pour retrouver. Tout à fait. Et sinon, je suis au Luxembourg vendredi soir. Dans un club qui s'appelle le White. Donc juste après le Black Planet Rap, tu files Luxembourg. Et le samedi, je suis à Nancy. Eh bien, merci pour toutes ces infos. Au White Club. Seth Gecko, on va retrouver D-Fool maintenant, qui doit être là, connecté. C'est bien, loupez pas Seth Gecko. Et pour tout le monde, demain sur Skyrock, dès 20h, dans Planet Rap. Même endroit, même heure. Et même endroit, même heure. Avec des invités, sans doute, avec des surprises, sans doute, du freestyle aussi, et des punchlines, bien sûr. En veux-tu, en voilà. Et bien, on en veut, et on en aura demain. À tour de bras, mon D-Fool. Et à tour de bras, mon Seth Gecko, sur Skyrock. Bah. Et bien, demain soir, 20h-21h, nous reviens dans un instant, il y a Big Flo et Oli qui débarquent. Ils seront là avec nous dans un instant en direct. Vous pouvez leur parler. Ça fera deux cerveaux de plus dans l'émission. Et parfois, c'est vrai que ça fait pas de mal. Ça c'est sûr. Ah, enfin, pas pour toi, D-Fool. Merci, Fredo. Merci. Oh, le suceur. Tu étais super aujourd'hui, Fred. Attends, demain qu'on te retrouve. D'ailleurs, je pense que tu as le cerveau de toute l'équipe. Oui. Eh, Fred, attention. Hein. Je vais brancher les cerveaux dans un instant. Tu vas avoir un souci. Hein. Un petit coup de Nekfeu et puis c'est parti. Nekfeu, ça c'est ma dope. Oui, ah, bah, voilà. Ça c'est Mado. Nekfeu que vous avez gagné dans la roulette tout au long de la journée, que vous gagnerez encore ce soir. On refera tourner la roulette d'ici minuit. Mado, Nekfeu et vous tous en direct maintenant. Si vous voulez passer dans l'émission et venir faire les cons avec nous, 01 53 40 30 20, le 41 759, l'appli Skyrock, tout ça vous faites péter. Et nous on arrive dans un instant. Merci Fred, merci Seth Gecko, merci Niska qui est passé aussi. Ouais. Bisous à vous. Et tous ceux qui étaient là ce soir. Et là c'est parti, Mado, Nekfeu. Ciao, ciao. Bonne soirée. Ciao. Ciao. veux bouger,